pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ça c'est solidaire, meilleure animation de manif. N'oubliez pas qu'il y a une représentation par les grévistes de l'Opéra de Rouen. Donc on vous invite à assister nombreux à la représentation faite pour les grévistes. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, avant de partir en cortège dans Rouen, c'était la 5e manifestation de la semaine, avec les blocages des ports et docks et les blocages toute la semaine, et des interpellations avec la jeunesse à la fac, dans les lycées. On continue en lâchant rien, et rendez-vous la semaine prochaine pour toutes les actions. On était 3000 cet après-midi dans les rues de Rouen. La mobilisation continue. Ce n'est pas par l'essoufflement et par la répression qui nous font plier. On ira jusqu'au bout du retrait et la satisfaction de toutes nos revendications. Merci les camarades.